et j'aurai beau partir, je resterai toujours pour toi, à portée de voix, tu le sais bien. Ça fait tellement longtemps que l'on navigue ensemble, tellement de temps qu'on s'est donné, et d'amour sans compter, c'est pas pour rien. Ces chansons qui nous rassemblent autour de ce feu que rien n'atteint. Ça ne peut pas finir. Y a trop de souvenirs. Des jours, des nuits qu'on ne compte pas. Et même si je pars, je ne te quitte pas. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Sur la route avec toi Johnny. Nous sommes le mercredi 28 septembre et vous êtes en direct sur votre radio 100% Johnny. Ce soir, j'ai choisi l'album 100% en 1999, cet album composé par David Hallyday pour son papa Johnny. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Nous aurons des interviews ce soir. Nous aurons 3 interviews. Vous allez les découvrir au fur et à mesure. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous êtes bien installés dans votre fauteuil. Et c'est parti pour 2 heures avec notre Johnny. Je suis ceux que j'ai Venez retrouver Annie sur la route avec toi Johnny, tous les mercredis de 21h à 23h sur votre radio 100% Johnny. La seule web radio qui vous donne l'envie d'avoir envie. Et oui, cet album 100%, cet album composé par le fils pour le père. Personne ne se doutait que l'album lui-même en dirait plus encore. L'accueil époustouflant qu'allait trouver ce 100% a plébiscité en 1989 le travail méticuleux de l'auteur et de l'interprète de l'album, comme si c'était rassurant pour tout le monde que ce père-là et ce fils-là puissent produire d'aussi belles choses ensemble. C'était les années cocooning. On ne jurait à l'époque que par la famille. C'était une manière d'abjurer les années 80 et leur dérèglement. L'album tombait bien, il était émouvant, on le trouvait sincère. C'est ainsi qu'un enfant a offert à son géant de père son œuvre la plus célèbre. On va écouter le premier titre de cet album, qui s'appelle également 100%. Vas-y Johnny, on a une grande pensée pour David Hallyday également. Thank you.

qu'on se donne, ou bien la peine qu'on se fait. Tu sais, l'amour qui nous unit, ça n'est pas toi mon ennemi. Crois-moi, le baiser, le poids de mes mots, je suis de moi le bourreau. Je pèse le poids de mes mots, oui, je suis la plaie. Donne, ne valent pas ceux que je m'assène. On se démène contre soi-même. Je n'ai pas de pire ennemi que moi. Je pèse le poids de mes mots. Je suis de moi. On pèse le poids de nos mots en mettant de nous le bourreau. On pèse le poids de nos mots en mettant la plaie. Votre web radio sur www.johnnysjh.fr et suivez notre actu. Infos, news, player et un max de sons en non-stop. 100% Johnny, la radio qui vous donne l'envie. Et oui, l'envie d'écouter Johnny pendant 2 heures tous les mercredis en direct sur votre radio 100% Johnny. Et bien après cette chanson, le poids des mots, mots M-A-U-X, qui est une très belle chanson de cet album 100%, on va faire un petit intermède, je vais vous présenter ce soir mon coup de cœur. Et oui, ça m'arrive d'avoir des coups de cœur, même si ça ne concerne pas Johnny, parce que je trouve que la musique c'est essentiel dans la vie. Johnny lui-même aimait beaucoup d'autres musiques que la sienne. Et bien ce soir, j'ai envie de vous faire découvrir une jeune fille qui a 14 ans, qui s'appelle Gersandre, qui a fait partie de The Voice 2020 et qui était au salon vintage, les années vintage à Vierzon ce week-end, hein, où j'étais avec Sébastien Seb Animation, qui faisait toute la sonorisation. On remercie toujours Jean-Claude et Isabelle de nous associer à cet événement. Et nous avons fait revenir cette jeune fille, Gersandre, qui chante impeccable. On va vous passer tout de suite une de ses chansons. Et puis après, on va l'avoir au téléphone. C'est mon coup de cœur de la soirée. On écoute Gersandre dans la chanson « Never a No ». Eh bien, merci à toi, Gersandre. Vous voyez, je voulais vous partager cette jolie voix. C'est la chanson du film The Greatest. Magnifique voix. Et ben voilà, c'était mon coup de cœur. J'avais envie de faire découvrir cette jeune fille toute mignonne avec une si jolie voix. Eh bien, nous l'avons au téléphone normalement. Bonsoir, Gersandre. Bonsoir. Ah, voilà ta jolie voix. Comment vas-tu depuis dimanche ? Moi, à chaque fois, tout va très bien, merci. Enfin, je dis depuis dimanche, mais en fait, on a eu la chance de t'entendre sur scène et samedi et dimanche, parce que quand on aime, on en redemande. Ah bah c'est sûr. Eh bien voilà, donc nous étions au salon Les Années Vintage à Vierzon. Et puis voilà, tu as fait 4 ou 5 chansons pour le bonheur de tout le monde. Alors, raconte-nous un petit peu ton histoire musicale. Donc, je disais tout à l'heure que tu avais fait partie de la sélection The Voice 2020. Raconte-nous un petit peu. Alors, tout a commencé lors de la création de ma chaîne YouTube, juste avant The Voice Kids. The Voice Kids a vu mes vidéos YouTube et m'a contacté grâce à ma chaîne YouTube. Par la suite, je n'ai pas eu besoin de faire tous les castings parce qu'ils m'avaient déjà repéré sur ma chaîne YouTube. Donc, j'en ai fait quelques-uns tout de même pour voir avec la production, etc. Et voilà, tout s'est très bien passé, mais malheureusement, j'ai pas, comme vous le savez très bien, j'ai pas été les coachs ne se sont pas retournés lors des auditions à la veille. Voilà, alors je pense que c'était plus par un choix de chanson, parce qu'en fait, tu avais choisi une chanson à toi. Et bon, ils n'ont pas adhéré à cette chanson, mais c'était plus un choix de chanson, parce que je pense que si tu avais fait cette chanson qu'on vient d'entendre à l'antenne, je pense que si tu avais fait cette chanson, je pense qu'ils se seraient retournés. Je pense aussi, mais disons qu'à cette époque-là, j'avais pas encore un grand nombre de chansons, et cette chanson, elle est encore toute nouvelle pour moi, alors évidemment, on fait avec ce qu'on a, comme on dit. Tu nous as dit le week-end dernier que cette chanson qu'on vient d'entendre, c'était ta chanson préférée. Dis-nous un peu pourquoi, qu'est-ce que tu ressens quand tu chantes cette chanson? Alors, quand je chante toutes les chansons, je me sens super heureuse, je me sens complètement dans mon élément, et cette chanson en particulier, on peut faire des gestes, c'est une chanson qui parle à tout le monde et je la trouve vraiment splendide. Alors, Gersand, est-ce que tu as l'intention de te représenter à The Voice Kids ou d'attendre un petit peu pour The Voice Adulte? Est-ce que tu as cette idée-là? Pour l'instant, j'ai pas encore de grandes ambitions pour The Voice, mais pour l'instant, disons que je laisse ma place aux autres. Voilà. Et est-ce que tu as des petits concerts à droite à gauche et des choses de prévues? Oui, sans doute bientôt j'aurai l'occasion de chanter pour le Cultura d'Orléans. Enfin, il y a plein de petites choses qui se préparent en ce moment. Il y a plein de petites choses qui se préparent en ce moment. Super, super. En tout cas, c'était une belle découverte déjà l'année dernière. On était très heureux de t'avoir à nouveau avec nous cette année. Et puis... écoute, on ira te voir à Cultura et puis bonne route à toi. En tout cas, je voulais que ta voix passe sur l'antenne de la radio 100% Johnny. Même si c'est pas Johnny, c'est une voix tellement pure. Je voulais faire ce partage avec les auditeurs. Merci beaucoup de m'avoir fait passer sur cette émission. Bonjour à tous les auditeurs. Voilà. Merci Gersand, bonjour à ton papa et puis à ta maman bien sûr. Et puis, à tout bientôt, on aura l'occasion de se croiser. À bientôt, c'est sûr, à bientôt. À bientôt, ma belle. Bisous. Au revoir. Au revoir. On va enchaîner avec un nouveau titre de l'album 100%, avec la chanson « Quelques cris », écrite le soir même de leur rencontre par Françoise Sagan et envoyée dans la foulée sur le fax de l'artiste. La chanson restera longtemps dans un tiroir faute de méthode de mélodie adaptée. David donne vie à cette page d'écriture qui illustre en une chanson la vie et la personnalité de Johnny. J'ai crié ce fut un cri de volupté. Lorsqu'une femme m'attira, les tremblant entre ses bras, l'éclat du plaisir me fit peur. Le troisième cri que j'ai lancé fut celui de l'homme comblé. Lorsque la foule me rappela en scène pour la dixième fois, l'éclat du succès me fit peur. Oh, me fit peur. Eh bien, tel père, tel fils, nous sommes en train d'écouter l'album 100%. Retour à septembre 1999, l'année de parution de l'album 100%. Dans divers entretiens donnés par Johnny aux médias à l'occasion de la sortie de l'album, on en apprend pas mal sur la manière dont les deux hommes ont travaillé ensemble, 100%. 100% a été enregistré très vite, explique l'artiste. David avait composé toutes les musiques, mais les textes n'étaient pas finis. David et moi, on est très différents. Il est Beatles, Moi, je suis Rolling Stone. En plus, il ne travaille pas comme moi. Il se lasse vite. En revanche, il a une idée par minute. La dimension très écrite de l'album, elle, n'a pas de racines qui remontent aussi loin en arrière. Mais Johnny déjà disait un texte de son ami écrivain Philippe Labro sur du Beethoven, poème sur la 7e en 1970. En 1976, il donnait du Hamlet de Shakespeare une version dantesque. Mais il semble bien que quelques cris, le texte de Sagan, ait servi de révélateur au projet des deux générations à l'idée. Françoise Sagan raconte Johnny, ce fut une rencontre au restaurant. Je lui ai dit, ce serait bien que tu puisses écrire quelque chose sur la vie d'un homme, de sa naissance à sa mort, avec ses émotions, sa solitude, ses amours, la première fois, la dernière. 2 heures après le dîner, un fax tombait chez moi. C'était le texte de cette chanson. Incroyable, incroyable, c'est l'histoire de cette chanson. On va continuer avec un autre titre avant notre prochaine interview. On va écouter la chanson « Un jour viendra ». Le grand retour de Michel Mallory après 17 ans d'absence. Retour réussi avec cette ballade très simple, très fluide. Deuxième single et deuxième gros succès, ce titre marquant de l'Olympia 2000 sera superbement mis en image par Bernard Schmitt. On écoute « Un jour viendra ». Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Du bout du cœur, mais le dire quand même. Un simple mot et l'aveu d'une larme au bord de tes yeux feront de moi un homme heureux. Un jour viendra, tu sauras tout. Ces choses qui ont fait ma vie bien plus noire que rose. Tu comprendras mes pudeurs et tous ces mots qui me font peur que j'ai cachés comme un voleur. Toi, c'est le ciel qui t'a. Moi, pour me réapprendre à aimer. Et attends, et laisse faire les jours. Laisse le temps au temps et à l'amour. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et j'aimerai. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Du bout des yeux, mais le dire quand même. Dans le ciel de ton regard, lire ton désir et ma victoire. Un jour viendra, tu m'aimeras. Côté les choses essentielles, par défi pour brûler mes ailes. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et j'aimerai. Attends, laisse faire les jours, laisse le temps au temps et à l'amour. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. je t'aimerai. Je t'aimerai. Je t'aimerai. Je t'aimerai. Et oui, c'était cette magnifique chanson « Un jour viendra » de cet album 100% de l'album « Entre le Père et le Fils ». Alors, je vous avais dit qu'il y avait une deuxième interview. Alors, nous allons avoir Johnny Lecomte. Alors ça, c'est son nom Facebook, sinon son prénom c'est Eric quand même. Hein. Il a un prénom, ce garçon. Alors, Johnny Lecomte, c'est notre fan belge. Et oui, il est en Belgique. Et il est souvent présent à nos événements en France. Il est toujours présent, il est fan de Johnny, bien évidemment, sinon il n'aurait pas lieu d'être dans cette émission. Il est très très fan de Johnny, et voilà, qui nous a fait cette semaine le plaisir de poster sur sa page Facebook quelques petites vidéos, car il a voulu aller voir d'un petit peu plus près l'organisation de cette exposition qui est en train de s'organiser à Bruxelles, exposition itinérante Johnny Hallyday, et il a essayé d'aller fureter, d'aller rencontrer 2-3 personnes, enfin voilà, il a eu la chance qu'on lui donne un trophée, il va nous raconter tout ça. Eric, tu es là ? Oui, oui, je suis là, bonsoir à tous les auditeurs, salut, eh bien, j'espère que vous allez bien. Voilà le vent de la... Je dis un petit bonsoir à tout le monde. Voilà le petit vent de la Belgique qui nous arrive chez nous, ça fait du bien. On le voit arriver au studio des Moulins à Olivet, on est super content. Comment vas-tu, Eric ? Mais je vais très très bien, je suis très content de repasser pour la deuxième fois dans ton émission. Et oui. Ça me fait énormément plaisir même. C'est toujours un moment où c'est des soirées que j'écoute très souvent quand je sais me connecter. Le soir, quand je ne suis pas en cours ou des trucs comme ça, ben je sais d'office venir un peu écouter ce moment magique que cette radio apporte le bonheur à tous les fans, et que ce soit en Belgique ou en France, parce que vous êtes de plus de 10 000 à écouter cette radio. Maintenant, en Belgique, ça commence à s'étendre, puisque je fais la publicité régulièrement de ce qu'on peut écouter. Il y a des gens qui ne connaissaient pas. Et puis voilà, bon, ben voilà, je suis... super content, quoi. Eh ben tant mieux. Raconte-nous, Eric, ce que tu as fait cette semaine. Tu es allé. Tu as pris ta voiture et tu as essayé d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur cette exposition qui est en train de s'organiser. Je vous rappelle qu'elle va ouvrir le 20 décembre 2022, le 20 décembre prochain, et qu'elle durera jusqu'au 15 juin 2023, donc pour 6 mois. Alors raconte-nous. Date de l'anniversaire de Johnny, bien sûr. Bien sûr. On aura le temps d'en reparler de cet anniversaire. Raconte-nous, tu es monté dans ta voiture et tu t'es dit, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Je me suis dit, ben voilà, comme on me connaît assez bien, je suis quelqu'un qui fonce. Exactement, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller voir de tout près au Palais Dieu à Bruxelles ce qui pourrait se passer. J'ai été reçu par un jeune qui va s'occuper aussi de l'installation de cette fameuse exposition qui fait plus de 3000 mètres carrés. J'ai vu les entrées, j'ai vu Cédric, qui est un des responsables, qui m'a un peu montré où ça allait se passer. Et après, je suis monté à un autre côté de Bruxelles pour aller voir justement essayer de voir le décor qu'ils allaient faire là-bas, parce que ce qu'on a vu à la télévision, c'est pas encore dans le palais de Dieu, c'est justement dans les locaux où ils sont en train de construire cette fameuse maquette, qui est pour l'instant la maquette mais qui va être l'original, qui va arriver au palais de Dieu de Bruxelles. C'est un sacré j'ai essayé de voir notamment le responsable qui n'était pas là, puis on m'a laissé un numéro de téléphone que j'ai téléphoné cette semaine-ci. J'ai essayé de le contacter par Facebook, mais bon, apparemment il n'avait pas eu le bon numéro, puis moi je lui ai repassé. Et comme il est pour l'instant en France, moi, j'attends qu'il me recontacte. J'espère qu'il va me recontacter, que je puisse avoir ce fameux interview que j'ai envie d'aller voir. Pourquoi il a fait ce montage? Pourquoi il est allé chercher tout ce qui était chez Dieu, une grosse partie de ce qui était à Marne-la-Coquette pour les avoir justement dans cette fameuse exposition qui aura lieu à partir du 20 décembre. Je suis allé jusque-là, j'ai essayé de les voir, bon malheureusement, bon, c'est pas une oui, porte... Oui, c'est bien j'ai déjà. J'ai été très bien. Très bien reçu. C'est bien, ça nous fait vivre un petit peu en direct les préparatifs, on a hâte que ça commence, mais c'est bien aussi de... Voilà, d'avoir quelqu'un sur place qui va peut-être aller voir de temps en temps. Tu nous tiendras au courant. Et alors, qu'est-ce que tu as eu la chance d'avoir? Tu es revenu avec quelque chose. Avec l'affiche de l'exposition qui n'était même pas encore sortie. Eh ouais, le premier exemplaire. J'ai pu avoir cette fameuse affiche où j'ai un peu supplié qu'on m'en donne une. Et sans problème, franchement, une équipe là-bas, très humaine. Très, très humaine dans le sens où ils savent t'accueillir. Mais bon, voilà. Même si j'aurais pu aller voir, je n'aurais pas filmé par le respect de la surprise des fans. Bien que sûr. J'espère qu'il y aura énormément de monde en France qui viendront à cette exposition. Je sais qu'il y en aura beaucoup. Il y en a certains qui m'ont demandé des renseignements pour pouvoir aller dormir. Là-bas, comment ça pourrait se produire, ce qui pourrait y avoir. Et moi, j'avais pensé, comme je pense beaucoup, comme on dit, je me suis dit, pourquoi ne pas, eux, ceux qui ne savent pas se déplacer, organiser un minibus ou un truc comme ça, qui viendrait jusque-là. Oui, mais il y a sûrement... Et pourquoi pas? Parce que bon, il y a plein de gens en France, il y en a plein en Belgique, mais pourquoi ne pas faire quelqu'un qui organiserait un car, et on se dit, allez, hop, on met autant par personne et on va là-bas. Ce serait quand même bien. Moi, mais je me sûrement, dis, ce serait quand même bien. Eric, il y a sûrement des associations ou des groupes qui vont organiser tout ça. T'inquiète pas, on a encore le temps de s'organiser. Pendant ces 6 mois d'exposition, il y en a sûrement qui vont avoir cette idée. C'est bien que tu en parles, parce que voilà, ça va peut-être décider les gens à organiser ça. Mais merci en tout cas de ton témoignage. Tu n'hésites pas à continuer à mettre sur Facebook des petites vidéos si tu retournes là-bas. On essaiera avec David, effectivement, d'aller faire un petit reportage. Et puis, merci à toi d'être là en direct de la Belgique. Ça fait un énorme plaisir. C'est toujours un plaisir quand je vous vois. Aussi bien David que vous autres, et notamment beaucoup d'autres fans qui sont là-bas avec qui j'ai créé une amitié et qui me manquent énormément aussi, parce que bon, moi je suis en Belgique, et je dois dire simplement, j'ai souligné, je suis super content qu'il y ait quelque chose, enfin, qui puisse se produire en Belgique, et on va mettre la parenthèse quand même, grâce aussi à Laetitia, puisque Laetitia a accepté beaucoup de choses qui puissent se produire là-bas. Elle notamment est allée voir les préparatifs et apparemment elle était contente. Mais ça c'est principal. Ça a été quelque chose de gigantesque. Mais j'espère que longue vie à cette radio. Moi je serai là le 15 et le 16 à chez Jackie. Oui, on va voir Jackie tout à l'heure au téléphone. C'est 2 jours comme il fait depuis 2-3 ans je crois. Et puis le 19 novembre. Novembre, pour David, bien sûr, je ne veux pas rater ce que David fait aussi, quoi. Voilà. Ça, ça me met la gaieté de cœur. Et voilà. Mais merci, Annie, de ton appel. Enfin, voilà, c'était vraiment, vraiment super génial. Je tiens à souligner que, juste une dernière parenthèse, j'aimerais bien que David comprenne que j'ai envie aussi de faire une émission. Et que ce soit au départ de la Belgique, une émission via la radio de 100%, ça me tiendrait à cœur. Je pense qu'il t'aura. À discuter et à prévoir dans les jours, dans les mois à venir. Je pense qu'il t'a écouté et je pense qu'il t'a entendu. Et puis, comme on se voit bientôt à Besançon, vous aurez l'occasion d'en parler tous les deux. Écoute, Eric. Oui, ça va. Allez, je fais un gros, gros bisou à tous les fans et à tous les éditeurs de 100% de la radio. Oui. Bye bye à tous. On va écouter. Je vous aime tous. Bisous, bisous. Mais Eric, on va écouter une chanson. Je demande à chaque personne que j'interviewe une chanson que vous aimez particulièrement. Et tu m'as demandé la chanson « Si tu pars » du Flashback Tour 2006. Alors, 2006. Ouais. C'est une chanson pour moi qui aurait été pour Johnny aussi, puisque quand on écoute cette chanson, puisque tu pars, ben voilà. C'est si tu pars. Il y en avait deux en fait au départ. Il y avait aussi Et maintenant. Mmh. Et maintenant, ça aurait pu être une chanson qui est pour lui. Qu'est-ce qu'on va faire sans Johnny maintenant? Exactement. Johnny est toujours là. Jean-Philippe est parti. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à... maintenant? Ben voilà, justement, tu vois, il y a cette exposition. Pars, ben voilà. Il y a plein de choses. Il est parti, ben voilà. C'est une chanson, mais autrement, j'aime tout. Mm. J'aime tout Johnny, en fait. J'ai donné cette chanson parce que c'est une chanson qui aurait pu aller avec son enterrement, avec son départ à l'au-delà, quoi. Ok. Allez, Eric, on écoute cette chanson « Si tu pars » de Johnny. Merci à toi pour Merci, ton intervention. Merci, bye bye. Salut David, salut à toute l'équipe. Bisous. À bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao. On écoute « Si tu pars » de Johnny. Vas-y, Johnny. Si tu pars, je veux que la terre entière se couvre de brouillard et que le silence s'installe dans les villages, que plus rien ne bouge en ville et sur les plages, qu'on n'entende que le vent. Qui crie et qui comprend. Si tu pars, je veux qu'on brûle les violons et les guitares, qu'on renvoie les musiciens et les poètes, qu'on oublie Noël et tous les jours de fête, qu'on exile les oiseaux. Que l'on bannisse ce qui est beau. Si tu pars, je veux que tous les trains du monde dans leur gare. Je veux qu'on bloque les routes, qu'on ferme les frontières, qu'on instaure le couvre-feu, le droit de guerre, que le RIF soit interdit, que le plaisir soit interdit. Bloque les routes, qu'on ferme les frontières, qu'on instaure le couvre-feu, le droit de guerre, que le RIF soit interdit, que le plaisir soit aboli. Si tu pars, je veux que la terre entière se couvre de brouillard et que le silence s'installe dans les villages, que plus rien ne bouge en ville et sur les plages, qu'on n'entende que le vent. Et qui me comprend. Si tu... tu pars. Merci beaucoup, merci, merci, merci de tout mon cœur. Waouh! Ça pour moi, c'était un sacré anniversaire. Hein. Les arrangements musicaux, la direction, sont de monsieur Yvan Kassar. Vous savez, plus j'y pense, j'ai perdu beaucoup d'amis dans ma vie. Parmi eux, il y a un grand chanteur, un grand auteur-compositeur qui me manque aujourd'hui. J'aimerais chanter cette chanson à sa mémoire, parce que pour moi, elle sera toujours là, dans mon cœur. Monsieur Jacques Brel. Cette chanson, je la chante à ma façon. Elle s'appelle La Quête. T'as ni les yeux ni le regard à maquiller en bleu ce qui dans le fond est noir. Tu sais, mes yeux sont ton miroir. Regarde-moi un peu. Veux-tu encore y croire? Notre histoire. Bye. histoire, de notre histoire. La journée, c'est 100% Johnny, tous les hits du boss. Johnny, plus qu'une légende, un mythe. Eh bien, c'était cette magnifique chanson, Notre Histoire. Cette histoire simple, histoire d'amour qui s'achève, écrite par le chanteur Miossec, prend une dimension cinématographique dans la voix de l'artiste. Le réalisateur Claude Sauté, attaché aux choses de la vie, n'aurait pas renié la musique de son fils. Tout repose sur l'ambiance, le climat un peu noir de cette romance quotidienne. Nous allons écouter, avant notre troisième interview, nous allons écouter Les larmes de la gloire. Non, Les larmes de gloire. L'écrivain Vincent Ravalec délivre un texte guerrier qui colle à ce titre le plus rock de l'album et dont Johnny fait un vrai morceau de bravoure taillé pour la scène. Les larmes de gloire. Traverser des déserts, franchir le mur d'un océan. Dis-moi ce que j'aurais pu faire, et aller jusqu'au bout de la terre. Écris pour toi l'univers, dis-moi ce que j'aurais pu faire. Ces larmes de gloire ont la couleur de toutes les peurs. Semblant d'oublier les combats que j'ai dû livrer. Quand t'as la tête d'une armée, vers tes maléfices je marchais. Ces larmes de gloire ont la couleur de toutes les peurs. Ces larmes de peur. C'était au-delà des terreurs, nous aurions vaincu des sommets. Rempli de cristal de lumière, et nos passés jours de colère, hachés déchirés par la guerre, dis-moi ce que j'aurais pu faire. Ces larmes de gloire ont la couleur de toutes les peurs. Ces larmes de peur ont une histoire. Jour d'espoir, c'est là. Alors restez là, parce qu'on revient juste après ça. 100% Johnny, la radio qui vous donne l'envie. Malgré ce que tu peux croire, je serai capable d'amour si tu m'aimais. Si tu m'aimais, je tuerai dans ma mémoire celle qui dort toujours. Si tu m'aimais, si tu m'aimais. Te suivre en enfer s'il le fallait, si tu m'aimais, si tu m'aimais. Une étrange envie de mourir, rien que pour te voir. Pour caresser écoutez votre web radio sur www.johnnysjh.fr et suivez notre actu. Infos, news, player et un max de sons en non-stop. 100% Johnny, la radio qui vous donne l'envie. Eh bien, on vient d'écouter « Si tu m'aimais », deuxième participation de Mallory à l'album, avec musicalement le renfort du guitariste Robin Lemesurier, notre cher Robin, qui joue un excellent chorus à la fin du titre. La couleur du morceau est dans la veine des compositions de Mallory des années 70. Alors nous allons avoir, après la prochaine chanson, au téléphone notre ami Jackie Blavier. Il ne va pas nous parler de son événement, on aura le temps de le rappeler pour son événement au mois d'octobre. Et on va l'avoir pour son livre qui vient de sortir. Alors en attendant de l'appeler, on va écouter la chanson « Remise de peine », nouvelle incursion dans l'univers carcéral si cher à l'idole. Mais cette fois, l'homme incarcéré est sorti de prison et tout en s'interrogeant sur son avenir, il redécouvre la beauté de sa femme qui lui ménage un avenir meilleur. On t'écoute, Johnny. Remise de peine. Ils m'ont laissé sortir hier soir. Tu sais, j'avais hâte de te revoir. T'es belle, t'es toujours la même. Tu sais, jamais je n'aurais pu croire qu'au monde quelqu'un garde l'espoir. Mais qu'est-ce que t'es belle, une étoile dans le ciel. J'ai purgé ma peine, entranché mes veines. Je veux plus que tu me craignes, je te ferai. Encore fait. Qu'est-ce que cette chanson est belle, Remise de peine. Alors avant d'avoir Jackie Blavier qui attend, là, il est au téléphone, je voudrais vous remercier tous les auditeurs de votre écoute et de tous les messages que je reçois très gentiment de votre part. Alors un coucou à Éric Tiercelin, merci pour tes gentils messages. Et puis avec un jour de retard, mais bon, mon émission n'étant que le mercredi, je souhaiterais souhaiter un bon anniversaire de la part de tous les auditeurs qui la connaissent. Nat, vous savez, Nat et Nono, mais attention, c'est pas Nono, hein, parce que vous avez envoyé plein de messages à Nono. Et là, c'était l'anniversaire de Nat. On se retrouve bientôt, Nat. Je te souhaite un bon anniversaire. Eh bien, voilà, Jackie, tu es là ? Eh bien, oui, je suis là, Annie. Ah, tu es là. Notre fan habitué des ondes, maintenant. Ça faisait un moment. Oui, maintenant, ça fait déjà un petit moment que je passe, oui, sur ton émission. Ouais. Et oui. Alors là, je ne t'appelle pas ce soir pour parler de ton événement en Besançon qui arrive pourtant à grands pas. Hein. Je suppose que tu es en pleine préparation. Mais ça, en pleine préparation, oui. Ouais. Pour le 15 et 16 octobre. Voilà, 15 et 16 octobre. Mais on ne va pas rester trop sur cet événement. On aura l'occasion de se rappeler pour ça. Tu prépareras ta petite copie hein, pour nous dire tous les invités qu'il y aura. Enfin voilà, ça, on a déjà vu tout voilà. Ça. Et puis, en plus, ils sont nombreux, oui. Voilà, ils sont nombreux. Chouette, quel bonheur. Mais là, ce soir, on t'appelle pour le livre qui est sorti, Johnny pour toujours, hein, aux éditions Un Point C'est Tout. Alors voilà, c'est 60 ans d'une vie de fan et de rencontre autour du taulier, l'éditeur étant Alain Guillot. Parle-nous de ce livre, tu t'es lancé avant moi, dis donc, je suis en pleine écriture, mais oui. T'es arrivé au poteau avant moi. Oui, j'ai voulu être le premier sur la ligne. Ah bah écoute, t'as raison. Mais ce livre, oui, alors, donc ce livre, il est né quand même grâce à Alain Guillot, hein, des éditions Un Point C'est Tout, parce que c'est lui qui avait vu un jour un petit commentaire que j'avais mis sur Facebook, et il m'a dit, mais ton message que tu as mis, enfin j'avais mis une page à peu près, il m'a dit, tu sais que c'est un beau message, on pourrait le mettre en livre si tu avais des autres sujets à mettre avec. Alors moi je lui ai dit, bah écoute, faut que je recherche un peu toutes mes archives, et puis finalement j'ai trouvé, mais on est parti comme ça, et puis on a fait le livre, et puis on a fait 160 pages. Super, super. Donc ce livre est déjà sorti, hein, c'est ça ? Alors ce livre est sorti le 8 septembre. D'accord. Et puis donc, pour tous les chanceux comme moi, on attend notre tour le 15 et le 16 octobre pour pouvoir le récupérer sur place. Le tien est prêt comme les autres. Le mien est prêt comme les autres. Il y en a plein qui le récupéreront à Besançon. Ouais. Voilà. Alors explique-nous un petit peu comment ça s'est passé pour confectionner ce livre. Alors j'ai repris toutes mes anecdotes, toute ma vie, de mes 60 ans de vie de fan. Depuis l'âge de 11 ans, où j'ai écouté Johnny pour la première fois sur les ondes d'Europe 1 dans l'émission Salut les copains. Et puis après, dans ce livre, je raconte mes concerts, je raconte mes événements, puis je raconte après la naissance de l'association il y a 4 ans. Et comme ça, tout au fil, je déroule le fil tout au long de mon livre. Voilà. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de rencontres parce que de là est né beaucoup de rencontres. Avec l'association est né beaucoup de rencontres et beaucoup de rencontres autour de personnes qui ont côtoyé Johnny avec les plus grands photographes, hein, comme Christian Denis, Daniel Angeli, Cyril Lafito, Jean-Louis Renturel et plein d'autres. Donc tous ces gens-là, je les ai rencontrés. Et j'ai eu la chance dans ce livre aussi d'avoir la préface de Pierre Billon, qui m'a fait une super belle préface, et puis une podcast de mon ami Lucky Furiani. Voilà, donc ce livre raconte vraiment toute ma vie. Et en 60 ans de fan, de vie de fan, il s'en passe des choses. Oui, il s'en passe des choses, des concerts, des événements, enfin voilà, des anecdotes. Voilà, des bons et des mauvais moments, ouais, voilà. Oui, bah forcément, hein. De toute façon, Johnny a vécu comme ça aussi, avec des bons moments, des moins bons. Il s'est battu et il avait des joies aussi. Enfin bon, il avait notre vie, on avait la sienne, hein, quelque part. Voilà. Hein. On retrouvait notre livre. Ce livre, finalement, il peut ressembler à tous les fans. Hein. Bien sûr. Tous les fans qui ont lu ce livre jusqu'à maintenant et qui m'ont téléphoné pour me le dire, ils me disent, bah oui, ça, c'est un peu ce que nous, on ressent, c'est ce qu'on a vécu. Voilà. Exactement. C'est un livre de fans pour les fans. Voilà, exactement, voilà. Mais c'est ce que je disais par rapport à celui que je suis en train d'écrire. En fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de livres sur Johnny, écrits par plein de gens. mais en fait, il n'y avait pas encore eu de livre de fans pour les fans. Donc, tu vois. Oui, parce que des livres sur Johnny, il y en a des. Ah, des bah, il y en a plein. Mais voilà, mais des livres d'un fan qui raconte, il n'y en a pas tant que ça. Je ne sais même pas si il y en a beaucoup. Mais non. C'est ce que je dis aux gens. Des fois, ils me disent oh, encore un livre de plus. Je dis non, pas du tout. Je dis c'est un livre d'une fan pour les fans. Et ça, c'est complètement inédit. Enfin, je veux dire. Oui, voilà, parce que la vie de Johnny, on la connaît. Ah on oui, la connaît. C'est ce que je mets au début du livre. Je mets, je vous raconterai pas la vie de Johnny. Bien sûr. On la connaît tous. Il y en a tant. Donc, ce que je vous raconterai, c'est la vie d'un fan parmi les exactement. Fans. Exactement. Ouais, voilà. C'est notre but. Eh ben, c'est bien. Je suis fière qu'on soit les deux représentants des fans à ouais, écrire voilà, ouais. des livres. Et il y en aura peut-être d'autres derrière nous qui se diront pourquoi pas nous. Mais en tout cas, oui, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des souvenirs aussi importants que nous. Ouais. Exactement. En tout cas, je te félicite pour ce livre. Moi, je me dépêche pas. Je prends mon temps pour... j'y consacre beaucoup de temps, mais je prends mon temps pour faire quelque chose d'à peu près correct. Quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, écoute, Jackie, je suis ravie que tu aies pu nous parler. Redis-nous le titre, redis-nous tout ça. Alors, le titre, c'est « Johnny pour toujours ». Voilà. 60 ans d'une vie de fan et de rencontres autour du taulier. Voilà. Donc aux éditions 1 point c'est tout et l'éditeur c'est tout. Étant et c'est Alain grâce à Alain Guillot que ce livre voilà. existe. Eh bien super, eh bien tant mieux pour ceux qui l'ont déjà lu, ceux qui l'ont commandé, ben vont faire comme moi, ils vont attendre et puis ceux voilà. qui n'avaient pas encore eu l'info ou qui étaient un peu hésitants. N'hésitez pas du tout à En sachant que les 200 premiers exemplaires, il y a une photo collector de Christian Denier qui a été photographe de 74 aux années 2000. Super. Donc là, on en a déjà vendu plus d'une centaine. Donc celui c'est qui bien. Veut la photo avec le livre, eh ben, il faut qu'il se dépêche. Voilà, qu'il se dépêche. Donc les fans intéressés doivent prendre contact avec toi, Jackie Blavier. Par, oui, voilà. Ou alors avec l'éditeur, carrément. Ou avec l'éditeur. Sur le site de 1 point c'est tout. Ouais. Voilà. Ou sinon, tu peux citer aussi le nom et de sinon, ton groupe. Sinon, je serai à Montmartre le 8 octobre pour une séance de dédicace à 18h. C'est ça. Et à Besançon, bien sûr, après les 15 et 16 octobre. Parfait. Ben, écoute, je pense qu'on a largement donné les informations. De toute façon, si vous avez besoin, chers auditeurs, d'autres informations, si vous n'avez pas pu tout noter, vous pouvez contacter Jackie Blavier et puis vous pouvez me contacter moi aussi et je vous... redonnerai le contact de Jackie, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoute, Jackie, je t'ai demandé, comme à tous ceux que j'interviewe, quelle est ta chanson préférée. Donc, c'est rigolo. Ça n'a parce pas changé, que c'est toujours la même. C'est toujours la même, comme JB Tatou. JB Tatou m'a demandé le cœur en deux aussi à ma voilà. première émission. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour JB Tatou, j'ai pris la version 2002 et là, j'ai pris l'album « C'est la vie ». 1977, d'accord. avec ouais. Le cœur en deux. Eh bien, écoute, on va écouter cette magnifique chanson, on ne s'en lasse pas, de toute façon, une chanson de Pierre Billon, bien sûr, qui est toujours dans nos cœurs. Et puis, ouais, et qui sera à Besançon aussi avec nous. Oui, qui sera à Besançon, voilà. Et eh bien, écoute, je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Bonjour à ta petite femme. Et puis, ben, merci. Et puis, on est ravis de bientôt vous retrouver... le 15 et 16 octobre à Besançon, mais on en reparlera dans une prochaine émission. On en reparlera. Voilà. Écoute, sinon, bise à bise, et puis bise à tous les auditeurs de la radio. Okay. 100% de Johnny. Ok, Jackie. Allez, à plus tard. Bisous. À bientôt. Et vive Johnny, et vive le rock. Vive Johnny, et vive le rock. Tu as raison. On écoute le cœur en deux. Dans un coin sombre de ma mémoire, avec mes violences de star et mes chimères de château. Je hais les bouteilles que j'ai bu, les filles que j'ai bien voulu prendre, les faux amis que j'ai connus, les matins tristes au goût de cendre. Je confonds bonheur et douleur entremêlés dans un sanglot. En voyant s'enfuir tes cheveux, mes nuits ont perdu la lumière. Mon corps est comme un cimetière où brûle ma propre croix de feu. Venez retrouver Annie sur La Route avec toi, Johnny, tous les mercredis de 21h à 23h sur votre radio 100% Johnny, la seule web radio qui vous donne l'envie d'avoir envie. Quelle belle chanson, Le cœur en deux, cette chanson de Pierre Billon que l'on retrouvera le 15 et 16 octobre. Alors si on parlait un petit peu de David Hallyday, ben oui, celui qui a composé ce superbe album 100%. Alors, David Hallyday est compositeur et chanteur. le fils de Johnny est découvert par le grand public lors de la dernière du show L'Ange aux yeux de laser, où il prend, à la grande surprise de son père, la place du batteur Jean-Pierre Prévota. Doué pour la musique, il éclate comme chanteur avec son single High, qui grimpe à la première place du top 50 en 1987. Sa première collaboration avec Johnny date de l'album Cadillac, pour lequel il compose deux chansons, Mirador et Possible en moto. La consécration viendra en 1999, alors que son propre album Un paradis, un enfer et le titre Tu ne m'as pas laissé le temps connaissent le succès. Il compose et produit l'intégralité des titres de 100%, l'album de tous les records. Et oui, c'est l'album qui a eu le plus de records de tous les albums de Johnny. C'est quand même incroyable. On va écouter la chanson suivante de cet album 100%. C'est la chanson Partie de cartes, mélodie planante, peu fréquente dans le répertoire de l'artiste, sortie en quatrième extrait de l'album. Le titre s'appuie sur un clip qui met en scène un face-à-face entre Johnny et Jean Reno. On écoute Partie de cartes. Jamais complet, qui te ressemblait. Venez retrouver Annie sur La Route avec toi, Johnny, tous les mercredis de 21h à 23h sur votre radio 100% Johnny. La seule web radio qui vous donne l'envie d'avoir envie. Et si on retournait un petit peu dans les moments forts de 1999 pour notre Johnny ? Le 6 janvier, sorti de Pourquoi pas moi en salle, Johnny y joue le rôle d'un toréador. Le 17 et 20 février, deux concerts à la Martinique et à la Réunion, où il retrouve Tania Saint-Val, qui était sur la tournée Rouge-Tone en 1994. De retour à Paris, le rocker attaque les séances d'enregistrement de 100%, album composé par son fils David. Fin mars, retour au cinéma avec le début, en Normandie, du tournage d'un film de Laetitia Masson, Love Me, et sortie du single en duo avec Lara Fabian au Stade de France, Requiem pour un fou, couplé avec Je veux te graver dans ma vie. Le 5 mai, l'artiste retrouve Hugo Frey dans la salle du Petit Journal à Montparnasse. En duo, il chante Le Pénitencier. Fin mai, sortie du premier extrait de l'album à venir, Vivre pour le meilleur. Le single se vend à plus de 500 000 exemplaires. Le 8 juin, sortie de la première compilation thématique de Johnny, Ballade, qui réunit sur un double CD quelques-unes de ses plus belles chansons tendres. Du 28 juin au 14 août, tournée dans toute la France, en Belgique et en Suisse, émaillée de rencontres marquantes comme celle de l'Abbé Pierre. Fin août, sortie du deuxième extrait de l'album « Un jour viendra », il marque le retour à l'écriture de Michel Mallory, dont la dernière chanson pour l'idole remontait à 1982. Le 13 septembre, sortie de 100%, album composé par David, co-réalisé par Pierre Jaconelli. Le 12 novembre, le vendredi 12 novembre, émission spéciale sur TF1, 100% Johnny, animée par Jean-Pierre Foucault. Plus de 7 millions de téléspectateurs assistent au duo de l'artiste avec son fils pour 100%, Eddie Mitchell, Couleur Mentalo, et Patrick Bruel pour L'Envie. Le 16 novembre, sortie du single 100%, couplé à notre histoire. Et alors, le meilleur du meilleur, le 20 décembre, l'album 100% est certifié disque de diamant, plus d'un million d'exemplaires vendus. Bravo Johnny et bravo David. On va écouter la chanson suivante de ce magnifique album 100%. C'est la chanson « Pardon ». Philippe Labro, l'ami fidèle et l'auteur attentif, se devait d'être au rendez-vous de cet album qui réunit une grande partie de la famille. C'est chose faite avec ce titre chanté à l'Olympia, cinquième extrait de l'album. Labro a dû revoir sa copie à maintes reprises avant de conclure sur ce pardon imploré au nom de tous les hommes. On écoute Johnny, pardon. Pardon, je viens vous demander pardon pour tous les hommes qui n'ont jamais appris le verbe aimer, qui n'ont jamais compris la force de l'amour, la beauté. Amitié, qui n'ont jamais connu. Donne-moi ta lumière, donne-moi de l'amour. Sans toi, oui, je désespère. Apprends-moi à aimer, apprends-moi la tendresse. Détruis mes habitudes, détruis ma solitude. Oh, pardon, pardon, je viens vous demander d'accorder à ce que la vie a blessé. Et lorsque le temps passe, il se retrouve nu, perdu, désespéré. Pardon, au nom de tous les hommes qui ne savent pas Pourquoi

rien d'autre à dire. La radio qui vous fait bouger toute la journée, c'est 100% Johnny. Tous les hits du boss. Johnny, plus qu'une légende, un mythe. Et oui, rien d'autre à dire, c'est exactement ce que je pensais en écoutant cette chanson piano-voix. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé un petit message là pendant la chanson en me disant quelle émotion, on est en larmes. Au moment des concerts, cette chanson, c'était incroyable parce qu'il n'y avait pas un bruit. On n'entendait pas une mouche voler, c'était incroyable. On pouvait être 7000 dans la salle, c'était incroyable l'effet que Johnny pouvait avoir sur nous. Juste piano-voix, comme quoi tout l'orchestre était nécessaire, mais des fois, juste un piano et sa voix, ça nous suffisait. Oui, j'en ai des frissons dans le dos encore, comme vous. On va écouter la chanson « Vivre pour le meilleur », premier extrait du disque paru en single. Énorme succès populaire. C'est un Johnny tout en force qui dégage une puissance incroyable sur les mots de Lionel Florence. Un véritable hymne chanté en public à la Tour Eiffel, en duo avec la jeune Sonia Lassen et au Parc des Princes 3 ans plus tard. On écoute « Vivre pour le meilleur ». Les gens qui cherchent la lumière pleine nuit, des gens qui courent après l'amour et qui le fuient, les bras qui se lèvent pour un dieu qu'ils ne voient pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois. Je veux ne rien garder. Venez retrouver Annie sur La Route avec toi, Johnny, tous les mercredis de 21h à 23h sur votre radio 100% Johnny. La seule web radio qui vous donne l'envie d'avoir envie. Et bien voilà, cette émission est déjà terminée. Ça passe vite 2 heures en votre compagnie. En votre compagnie, chers auditeurs, mais aussi en compagnie avec les personnes que l'on a interviewées. On a eu en première partie Gersande. Et oui, Gersande qui nous a chanté sa chanson Never a No. Et oui, cette jeune fille de 14 ans, vous avez pu entendre cette voix magnifique. On la retrouvera plus tard dans The Voice, dans autre chose, en concert. Il y a la Star Academy qui commence bientôt. Tiens, elle ne sera pas dans celle-là, mais pourquoi pas dans la suivante. Et oui, la Star Academy, c'est quand même un vieux souvenir, cette histoire. Après, nous avons eu interview de Johnny Lecomte, alors d'Eric, notre Belge, notre fan belge, qui est toujours dans nos événements en France. Et là, il est content, puisqu'à chaque fois, il me dit « Mais quand est-ce qu'il y aura quelque chose en Belgique pour Johnny ?» Ben là, il est servi. Une exposition qui va durer 6 mois. Incroyable. Il a été notre éclaireur. Il a pris sa voiture. Il est allé voir un petit peu ce qui se passait pour cette organisation. Il continuera à y aller régulièrement jusqu'au 20 décembre, puisque cette exposition ouvre le 20 décembre jusqu'au 15 juin. Oui, 15 juin, le jour de l'anniversaire de Johnny, qui aurait eu 80 ans. Nous avons eu, pour terminer, l'interview de Jackie Blavier. Eh bien oui, ce fan qui est présent régulièrement dans notre émission, parce que Jackie organise également des événements pour réunir les fans de Johnny. Donc ça, on aime dans cette émission. Et oui, c'était pour son livre « Johnny pour toujours » aux éditions 1 point c'est tout. Et oui, 60 ans d'une vie de fan et de rencontres autour du taulier. Eh bien oui, c'était le premier à ouvrir le feu d'un livre d'un fan pour les fans. J'espère avoir le numéro 2. Je vous prépare ça tranquillement. J'ai fait à peu près 300 pages, mais j'ai pas fini. Ça risque d'être aussi gros que le livre de Thibaut Geffrotin, je pense. Je fais pas la course, hein. Mais 300 pages, j'ai pas fini encore. J'ai encore plein de choses à vous dire. Voilà, ce sera avec plaisir que je vous retrouverai mercredi prochain, le 5 octobre, toujours de 21h à 23h pour une nouvelle émission sur la route avec toi, Johnny. Je choisirai le week-end à venir l'album que je vous présenterai. Et puis, je trouverai d'autres interviews pour dynamiser cette émission, pour vous faire plaisir, rien que pour vous. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un très bon week-end. Même s'il y a de la pluie, on en a besoin. Il ne faut pas la dénigrer, cette pluie. Elle est utile. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas, je vous embrasse. À bientôt. Je suis ce que j'ai aimé. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Nous sommes avec